Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamezo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et ce sera une petite semaine, c'est déjà la dernière semaine du mois d'octobre, mais ce sera une semaine de 4 jours puisque vendredi étant un jour férié. J'espère que vous n'avez pas oublié de changer d'heure ce week-end, sinon vous êtes grave à la bourre ce matin. Donc en ce lundi 28 octobre, nous souhaitons une bonne fête au Simon et au Jude et les dictons nous disent, alors il y en a beaucoup ce matin, on commence avec celui-ci, à la Saint-Simon, les raves au timon, à la Saint-Simon, l'éventail se repose, à la Saint-Simon, une mouche vaut un mouton, quand on voit les mouches à la Saint-Simon, les fermiers peuvent chanter une chanson, quand Simon et Jude n'apportent pas la pluie, elle n'arrive qu'à la Sainte-Cécile le 22 novembre, mais bon, on verra tout à l'heure que pour la pluie, on sera gâtés. Quand Simon et Jude sont arrivés, souvent ils portent la neige à leurs souliers. Et enfin, Saint Simon et Saint Jude passés, l'hiver est arrivé. Bon, on a encore un peu de temps avant l'hiver, ce ne sera pas tout de suite. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole. Journée mondiale du cinéma d'animation instaurée par l'ASIFA, journée mondiale du judo. En République tchèque, c'est la fête nationale qui commémore l'indépendance vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie en 1918. Et en Slovaquie, c'est appelé jour du souvenir, fête de l'établissement de l'indépendance de l'État tchécoslovaque, réalisé donc en 1918. Dans les événements qui se sont déroulés un 28 octobre, en 1492, découverte de Cuba par Christophe Colomb au cours de son premier voyage vers le Nouveau Monde. 1636, fondation de l'université Harvard dans le Massachusetts. 1791, Olympe de Gouges présentait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à l'Assemblée nationale. 1886, inauguration de la statue de la liberté à New York. Et enfin, 1954, Ernest Hemingway recevait le prix Nobel de littérature. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Eros Ramazzotti et son titre « Sebasta se una canzone ». Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una mera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare. Bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone quelli che stanno aspettando, dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Et voilà, c'était Eros Ramazzotti avec le titre Sebastase una canzone sur RGM. Il est un peu plus de 8h37, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 28 octobre 1930, naissance de Bernie Ecclestone, pilote automobile, homme d'affaires britannique, grand argentier de la Formule 1. 1936, naissance de Charlie Daniels, chanteur américain de musique country, notamment connu pour le titre The Devil Went Down to Georgia, dont on écoute tout de suite un extrait. Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been." "Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." Voilà pour l'extrait donc du chanteur Charlie Daniels. Allez, on continue. 1937, naissance de Marcian Hoff, ingénieur américain, inventeur du premier microprocesseur de l'histoire, l'Intel 4004. 1938, naissance de Jean-Claude Camus, célèbre producteur de spectacles français, notamment producteur de Johnny Hallyday pendant de nombreuses années. 1948, naissance de Thelma Hopkins, actrice américaine, connue pour son rôle de Rachel Crawford dans la série télé La Vie de Famille. 1952, naissance d'Annie Potts, actrice américaine, vue dans SOS Fantôme 1 et 2 dans le rôle de Janine Melnitz. La série télé Le Monde de Joanne, New York Unité Spéciale, depuis 2015, on peut la voir dans la série Chicago Med dans le rôle d'Hélène Manning. 1955, naissance de Bill Gates, informaticien, entrepreneur américain, cofondateur de Microsoft. 1962, naissance de Daphne Zuniga, actrice américaine, connue pour son rôle de Jo Reynolds dans la série télé Melrose Place, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans quelques épisodes de Melrose Place Nouvelle Génération, vu également dans la série Spin City ou encore Les Frères Scott dans le rôle de Victoria Davis. 1963, naissance d'Isabelle Giordano, présentatrice radio et télé française. C'est également l'année de naissance de Lorraine Holly, actrice américaine, vue dans La Force du Destin dans le rôle de Julie Ron Chandler, NCIS Enquête Spéciale dans le rôle de la directrice Jennifer Shepard ou encore Lucifer. C'est également l'année de naissance d'Eros Ramazzotti, chanteur italien. 1965, naissance de Jamie Gertz, actrice américaine connue pour son rôle de Kimmy Bishop dans la série Ally McBeal ou encore son rôle de Marlo Klein dans la série Entourage. 1967, naissance de Kevin MacDonald, réalisateur écossais à qui l'on doit Le Dernier Roi d'Écosse ou encore Jeu de Pouvoir. C'est également l'année de naissance de Julia Roberts, actrice américaine vue dans Pretty Woman dans le rôle de Vivian Ward ou Coup la Revanche du Capitaine Crochet dans le rôle de la Fée Clochette, L'Affaire Pélican, Prêt à Porter, Le Mariage de Mon Meilleur Ami, Ma Meilleure Ennemie. Me, Coup de foudre à Notting Hill dans le rôle d'Anna Scott, Just Married ou presque dans le rôle de Maggie Carpenter, Erin Brockovich seule contre tous dans le rôle d'Erin Brockovich, récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice, vue également dans Ocean's 11 et Ocean's 12 dans le rôle de Tess Ocean, le sourire de Mona Lisa, Valentine's Day ou encore le film Wonder. 1968, naissance de Stephen Hunter, acteur néo-zélandais, connu pour son rôle de Bumbur dans la trilogie du Hobbit. C'est également l'année de naissance de Marc Liévremont, ancien joueur de rugby français, sélectionneur de l'équipe de France de 2007 à 2011, joueur de 1988 à 2002 en jouant à Perpignan, au Stade français Paris et à Biarritz. 1969, naissance de Ben Harper, auteur, compositeur, interprète américain. 1972, naissance de Brad Paisley, chanteur américain. 1974, naissance de Joaquin Phoenix, acteur américain, vu dans Gladiator dans le rôle de Commode, Buffalo Soldiers, Le Village, Piège de Feu, A Beautiful Day dans le rôle de Joe, récompensé du prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, Les Frères Sisters dans le rôle de Charlie Sisters, et actuellement au cinéma dans le film Joker, où il interprète le Joker alias Arthur Fleck. 1977, naissance de Lorraine Woodland, actrice américaine, vue dans la série télé Les Feux de l'Amour dans le rôle de Brittany Hodge. 1980, naissance de Jérémy Michalak, animateur télé français et producteur également. 1982, naissance de Matt Smith, acteur britannique, vu dans Lost River dans le rôle de Bully, Terminator Genesis dans le rôle d'Alex alias Kinnett. Il sera à l'affiche de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, qui va sortir quelques jours avant Noël cette année, le film que tout le monde attend, le dernier de la saga Star Wars, vu également dans la série télé Doctor Who dans le rôle du 11e Docteur, ou encore The Crown dans le rôle de Philip Mountbatten. 1985, naissance de Troyanne Belisario, actrice américaine, vue dans Recherche Maman désespérément, la série télé NCIS Enquête Spéciale, Pretty Little Liars dans les rôles de Spencer Hastings et Alex Drake, ou encore Suits Avocat sur mesure. C'est également l'année de naissance de Gaëtane Tinet, je vais y arriver, footballeuse française, qui de 2000 à 2006 a joué au club de Saint-Mémy Olympique, de 2006 à 2008 à l'US Compiègne CO, et depuis 2008 elle joue au Paris FC. 1988, naissance de Devon Murray, acteur irlandais connu pour avoir joué le rôle de Seamus Finnegan dans la saga des films Harry Potter. 1991, naissance de Warren Barguil, cycliste français, champion de France sur route 2019, Tour de l'Avenir 2012, meilleur grimpeur du Tour de France 2017, prix de la combativité du Tour de France 2017, il a remporté 4 étapes de grand tour, 2 sur le Tour d'Espagne et 2 sur le Tour de France. 1998, naissance de Perrine Lafonce, skieuse acrobatique française spécialisée dans l'épreuve des bosses, qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'or, au championnat du monde 2 médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Et enfin, 1949, décédé Marcel Cerdan, boxeur français, champion du monde poids moyen, 48-49, 123 combats, 119 victoires, 61 par KO. Allez, tout de suite, on s'écoute Ben Harper avec son titre, With My Own Two Hands. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. With my own two hands. With my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. With my own two hands. With my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. With my own two hands. covered you with my own two hands, but you got to use your own two hands, use your own two hands, use your own two hands, and with our own two hands, with our own two hands, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Oh, make it a brighter place. I can hold you and I comfort you. But you got to, got to, got to, got to, got to, got to, got to, got to use. I'll use your own. Oh, use your own, Lord. Voilà, c'était Ben Harper sur le 107FM. Un peu plus de 8h48, on fait un point météo. La météo. Eh bien, on passera la journée sous les nuages avec de la pluie, des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés cet après-midi. Mardi, ce sera de la pluie, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi, le retour des éclaircies, soleil avec un peu de nuages, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, aujourd'hui, il ne va pas faire beau. Eh bien, peut-être une idée de sortie avec le centre aquatique de Remiremont situé 75 faubourg du Val d'Ajol. Deux plongeoires, un toboggan de 45 mètres, un espace détente avec spa et sauna. Donc de quoi satisfaire toute la famille. Et les horaires pour aujourd'hui, lundi 28 octobre, eh bien le centre aquatique sera ouvert entre midi et 17h20. Un message maintenant du mouvement citoyen. Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides qui organisent un rassemblement. Cette fois-ci, c'est à Rupt-sur-Moselle. Ce vendredi 1er novembre, ce sera à 18h30, place de la mairie. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvu de toute pollution. Chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet, en se rendant sur le site nous voulons des coquelicots tout attachés.org. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. On commence tout de suite avec du football et les résultats de la Ligue 1, où Monaco s'est imposé à Nantes sur le score de 1-0. Lille s'est imposé 3-0 face à Bordeaux. Brest s'est imposé 2-0 face à Dijon. Metz s'est malheureusement incliné à Lyon sur le score de 2-0. Montpellier et Angers ont fait match nul 0 partout, tout comme Reims et Nîmes. Strasbourg s'est imposé 1-0 face à Nice. Rennes s'est imposé 3-2 face à Toulouse. Saint-Étienne et Amiens ont fait match nul 2-0. Et hier soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 face à l'Olympique de Marseille. En Ligue 2, Nancy a fait match nul face à Lens, 0-0. En Coupe de France, eh bien, ça passe pour Taon, Épinal et Raon l'étape. Taon les Vosges qui s'est imposé à Schiltigheim 2-0. Épinal s'est imposé 2-1 à Épernay et Raon l'étape s'est imposé 3-0 à Chaumont. En basket, en Pro B, défaite de Nancy à Nantes, 81-78. En Formule 1, le Grand Prix du Mexique a été remporté par Hamilton devant Vettel et Bottas. Hamilton qui devra encore attendre avant d'être sacré champion du monde. 4e place pour Charles Leclerc, 9e place pour Pierre Gasly et enfin 17e place pour Romain Grosjean qui termine à 2 tours. En rugby, Coupe du Monde, ce week-end c'était les demi-finales et on a vécu de belles demi-finales, même si la France n'y était pas malheureusement. L'Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande 19-7. Et l'Afrique du Sud a battu le Pays de Galles 19 à 16. Vous l'aurez donc compris, la finale opposera l'Angleterre à l'Afrique du Sud et ce sera samedi. En hockey sur glace, en D2, Épinal s'est imposé à Meudon sur le score de 3 à 2. Épinal est donc seul leader maintenant au classement général de la D2. Le prochain match, ce sera à Épinal ce samedi. Un mot de handball avec la Golden League et la France qui s'est imposée en finale face à l'Espagne. À la fin du temps réglementaire, il y avait match nul, 31 buts partout. Les deux équipes se sont donc départagées au tir au but et c'est la France qui s'est donc imposée 5 tirs au but à 3. Un mot de cyclocross, ça se passait en Slovaquie. Steve Chenel a terminé deuxième. Un mot avec du trail, le trail de Galilée sur le 17 km. À noter la victoire de Mathieu Péché. En ski alpin au géant de Solden, doublé français avec la victoire d'Alexis Pinturo et la deuxième place de Fèvre. Et on termine avec du tennis à Vienne. C'est Dominic Thiem qui s'est imposé en finale face à Schwartzman en 3-7 et à Bâle. Victoire de Roger Federer qui remporte ainsi son 10e titre à Bâle. Cette semaine, il y a le WTA Finals. Aujourd'hui, Pliskova affronte Svitolina et Alep sera opposé à Andreescu. Et côté messieurs, c'est le Paris Masters. 4 Français sur les cours aujourd'hui. Jérémy Chardy sera opposé à Sam Querrey. Benoît Paire affrontera Zumur. Joe Wilfried Tsonga affrontera Rublev. Et enfin, Adrian Manarino sera opposé à Rudd. Voilà pour l'actualité. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Brad Paisley et le titre Winter Wonderland. Bon, même si on a encore un peu de temps avant l'hiver et Noël, on s'écoute ça tout de suite. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. It's a beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Well, gone away is the bluebird, and here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. But later on, we'll conspire as we dream by the fire. We'll face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Papa top of Mr. Snowman, with chapel bells ringing all around. And later on we'll conspire as we dream by the fire. We'll face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. As we dream by the fire, we'll face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Yeah, we'll face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.